exploitation. C'est ça qui a détruit le monde. He's destroying the road. Nous refusons pour nous observer. Va bon Dieu m'aider. Nous plutôt agir avec méchanceté. Some black are still living as on time of slavery, mistreated by their own brothers. Égalité, fraternité, c'est ça pour nous observer. Pour la ville, fait on seul avec la campagne. Sibini Mbobo. We black people need more togetherness to progress.